franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Le Fantôme d'Orly, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Xavier Lacaille, réalisée par Laurence Courtois. Canular, illusion d'optique, interprétation erronée de phénomènes aérospatiaux naturels, telles sont les explications, toujours rationnelles, avancées par les instances chargées d'enquêter d'après les récits de ceux qui affirment avoir aperçu un ovni. Ces témoignages se multiplient depuis les années 50, mais la science n'a pas toujours été capable d'apporter des explications convaincantes à ces rencontres mystérieuses, et elle n'a anéanti ni les convictions de certains, toujours persuadés que la vie extraterrestre est entrée en contact avec notre planète, ni le romanesque qui entoure les ovnis et qui nourrit notre imaginaire, et, pour certains, nos convictions. Dans Affaires sensibles, la fiction, nous revenons aujourd'hui sur l'une de ces énigmes. Un fait réel et non élucidé qui a nourri les réflexions des ufologues et l'imaginaire de tout un chacun, le fantôme d'Orly. En cette nuit du vendredi 17 février 1956, comme chaque nuit, les contrôleurs aériens de l'aéroport d'Orly veillent au grain. C'est le cœur de leur métier. Ce soir-là, les radars de la tour de contrôle décèlent la présence d'un objet volant intrigant, deux fois plus imposant que les plus gros avions d'époque, qui file à une vitesse supersonique avant de s'immobiliser au-dessus de l'aéroport pendant 4 heures. Aux alentours de 3 heures du matin, l'objet se remet en mouvement et semble se diriger à toute allure vers l'aéroport du Bourget. Alors, dans les tours de contrôle, la panique est palpable. L'OVNI risque de percuter un avion et provoquer une catastrophe. Et puis, de quoi s'agit-il ? Cet objet volant ne correspond à rien de connu, pas même des contrôleurs aériens formés pourtant à interpréter les images du ciel dans la prestigieuse École nationale d'aviation civile. L'enquête, lancée par le gouvernement, conclut rapidement qu'il ne peut s'agir d'une simple image parasite venue perturber les tours de contrôle. Non, le radar est moderne et les outils ont bien fonctionné. Alors quoi ? Un engin aérien venu de l'URSS ? Car la peur d'une invasion soviétique par les airs est prégnante dans les récits d'OVNI qui se multiplient depuis 1947. Mais d'une façon générale, les instances officielles d'enquête sur les témoignages d'OVNI retiennent rarement une explication d'ordre militaire et n'admettent jamais l'hypothèse extraterrestre. Sur les quelques 1500 enquêtes menées par la gendarmerie et le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés entre 1952 et 2012, aucune n'a été classée dans la catégorie D2, qui correspond au plus haut degré d'étrangeté. L'homme est un être rationnel. Après la fiction, nous recevrons Arnaud Esqueret, chercheur au CNRS, qui a étudié les récits à l'origine de ces enquêtes et qui a cherché à comprendre leur élaboration et leur effet en termes de fascination et de potentiel romanesque. Nous recevrons également Xavier Lacaille, le scénariste de notre fiction intitulée « Le fantôme d'Orly ». Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Le fantôme d'Orly de Xavier Lacaille. Mesdames, Messieurs, bien que nous ayons passé le méridien de Greenwich, nous sommes toujours le 17 février 1956, à bord d'un avion de la compagnie Air France, en provenance de Londres et à destination d'Orly. Il est 22h30, heure de Paris, et je vais bientôt faire mon dernier passage parmi vous. N'hésitez pas, avant notre atterrissage. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, boissons. Tout va bien, madame, monsieur, boisson, cacao. Non, merci, pas tout de suite. Très bien. C'est gentil. Bon vol. Merci beaucoup. Boisson, cacao. magnifique. Tu vois cette voiture rouge? Oui, et là, ça, c'est la forêt de Chantilly. C'est là que mamie habite. Mamie, elle sent mauvais. Chut, tu te tais, hein. On dit pas ça, Jean. Mais c'est vrai, elle pique avec sa moustache. Allez, chut, ça suffit. Maman, si le pilote il va aux toilettes, c'est qui va piloter l'avion? Eh bien, c'est... Oui, c'est une bonne question, tiens. S'il vous plaît. Oui, madame, dites-moi. Maman, je peux avoir un whisky? Oui, bien sûr. Et un cigare pour nos cognets? Non, moi je fume pas. Juste un whisky, ça ira. Tu sais, j'ai des coloriages si tu veux. Hein? Oui? Ah oui. Ah, voilà. Merci. Madame, qu'est-ce que je vous sers? Tiens, tenez. Voilà. Merci. De l'eau pétillante, s'il vous plaît. Oui, très bien. De l'eau pétillante. C'est nul. Il a quel âge? 5 ans. Ah. C'est son premier vol, alors? Oui. Voilà. Tenez. Et excusez-moi, mademoiselle. Si le pilote va aux toilettes pendant le vol, qui est-ce qui... Enfin... Mademoiselle, s'il vous plaît. J'arrive. Non, laissez tomber, oui. D'accord, je reviens. Tiens. Voilà, les portraits de Staline sont retirés des lieux publics. Et la déstalinisation. Voilà, alors ça, je l'avais bien dit. Vous auriez du feu, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tenez. Bien sûr, voilà, je suis à sec. C'est là-dessus. Mademoiselle. Oui. Vous auriez des cigarettes? Oui, bien sûr. Un paquet de gauloises sans fil. Et un double scotch. Bien sûr, monsieur. Vous fumez beaucoup. Tenez. Vous auriez du feu? Oui, voilà. 4 francs, s'il vous plaît. Je vais vous prendre un Bloody Mary, s'il vous plaît. Oui, bien Merci. Sûr, tout de suite. Vous avez des citrons? Oui, bien sûr, une tranche. Oui, s'il vous plaît. Très bien. Vous avez de la glace? Oui. Deux glaçons, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Je vous adore. Et... voilà. Rapide. Merci beaucoup. Vous avez noté? Non, ça ira. Très bien. Bon vol. Un journal? Non, merci, c'est gentil. Allez. Bon vol. Merci. Cheers, comme on dit. Charmante, n'est-ce pas? Ça, on sait faire. Hein. Ah, les hôtesses sur Air France sont toujours les plus jolies. Magnifique. Mademoiselle, est-ce que le pilote pourrait voler un peu plus bas, s'il vous plaît? J'aimerais mieux voir le paysage. J'ai un ami qui habite dans le coin. Oui, bien sûr, monsieur. Je vais voir ce que je peux faire. Ah, et si c'est possible, j'ai ma tante qui habite au Vésinet. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous allons entamer notre descente vers l'aéroport d'Orly dans quelques minutes. Veuillez attacher vos ceintures et relever vos tablettes. Il est 22h30, la température extérieure est de moins 2 degrés. Veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Merci. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We shall land at Paris Orly in a few minutes. Will you please fasten your seatbelts and fold the tables away? It is 10:30 p.m. and the outside temperature is... Attachez vos ceintures. Mademoiselle, excusez-moi. Il y a un problème, qu'est-ce que... Tout va bien, attachez vos ceintures, c'est une petite zone de turbulence. Tout va bien. Everything is okay. Maman, vous pouvez la rapprocher, le pilote? Parce que... Bon, tu arrêtes de poser des questions tout le temps, là, c'est pénible, hein? Oh, mais c'est pas vrai. Oh. Merde, j'en ai partout. Non, mademoiselle, je peux avoir un autre scotch? J'arrive. Une serviette, s'il vous plaît. Oui, tout de suite, monsieur, yes. J'arrive. Qu'est-ce que c'est que cette masse sur le radar? Mais... je comprends pas, commandant. Ça n'est pas... ce n'est pas une masse nuageuse, en tout cas. C'est un avion. Je n'ai rien sur ma feuille de route. Nous sommes censés être les seuls à cette heure-ci. Et si on les contactait? Ici Douglas Dakota, DC-3, commandant Mérou à l'appareil. Nous sommes à destination de l'aéroport d'Orly et vous êtes sur notre axe. Pouvez-vous m'indiquer votre trajectoire ? Terminé. Je répète, vous êtes sur notre axe et je ne compte pas dévier. Nous n'avons pas assez de carburant. Terminé. Vous me recevez ? Pas de réponse. Commandant, je ne pense pas que ce soit un avion. L'objet est statique sur le radar. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ici, vol Douglas, Dakota DC-3, pour tour de contrôle. Vous me recevez ? Terminé. Ici, tour de contrôle, je vous reçois 5 sur 5. Terminé. J'ai une masse à 8000 pieds qui vient d'apparaître sur mon radar, et je n'ai rien de tout ça sur ma feuille de route. Terminé. Il n'y a aucun avion en approche à part vous. Vérifiez. Terminé. Je vous répète que j'ai une masse stationnaire sur mon champ de radar. Un écho d'une taille deux fois supérieure à notre avion. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? On peut pas se permettre de reporter notre atterrissage. Nous n'aurons pas assez de carburant. Terminé. Je vois effectivement une masse importante sur le radar. Bordel de chiottes, qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Oh, la vache ! Ça va, commandant ? Oui, ça va. Tour de contrôle, je vous confirme qu'un engin non identifié s'est planté sur notre trajectoire et il ne porte aucune lumière de navigation obligatoire. Mais qu'est-ce que c'est que cet objet, commandant ? J'ai jamais vu un truc pareil à l'école d'aviation civile. Une lumière ? Qu'est-ce que vous racontez ? Quelle est sa position ? Terminé. L'objet est à la verticale des mureaux. Vérifiez sur votre radar. Terminé. Je confirme sa position et je ne comprends pas. L'objet est statique. Ça ne peut pas être un avion et c'est bien trop gros pour être un hélicoptère. Vous ne pouvez pas continuer dans cette trajectoire. Écoutez, il va falloir... Bon, ça suffit. Je passe en mode manuel. Mode manuel activé, commandant. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Moi, je vais vous dire un truc. Le fer de lance de la croissance, c'est l'industrie, mon vieux. Oui. Oui, c'est vrai que... Ouais. Moi, personnellement, je suis dans le secteur agricole. Et c'est vrai qu'à chaque fois, souvent, je me dis que... Ouais. Mademoiselle ? Oui ? Je vais vous prendre un autre scotch. Et quand je vois la Tunisie et le Maroc qui prennent leur indépendance, je me demande où on va comme ça. Ah, vous savez, je voyage beaucoup, hein. New York, Tokyo, Londres... On a percuté quelque chose ? J'ai vu une lumière frapper l'aile ! C'était quoi, ça ? Oh my gosh, what was that ? Mesdames, messieurs, pas de panique, c'est un simple coup de foudre. Remontez vos tablettes, s'il vous plaît. Coup de foudre, on m'a dit ici. Voilà, c'est rien. C'est un coup de foudre. Ça arrive. Hein. Et la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Monsieur, votre tablette, s'il vous plaît. Voilà. Remontez-la. Mais, excusez-moi, mademoiselle. Mon scotch, vous êtes en train de le distiller vous-même ou... Je croyais que la foudre tombait jamais au même endroit. Oui, En plus, je n'ai pas vu d'éclair cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est ? Restez assis, mettez vos ceintures. Très bien, Jean. Mettez vos ceintures. Maman, regarde le hublot. Tu vois, il y a la lumière rouge. Mais arrête de dire des bêtises. Tu... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ? Je sais pas. Rêve ou c'est un vaisseau spatial ? Mademoiselle ? Oui, j'arrive. Dites-moi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Maman, je t'avais dit, les extraterrestres, ils existent. Tu me croyais pas ? Non, mais Jean... C'est pas des... Mademoiselle ? Everything is okay. Mademoiselle, c'est une montgolfière, ça ? Elle est très grosse, la montgolfière, quand même. C'est peut-être un avion allemand. Ou russe. Russe. Pourquoi russe? Parce que je suis russe, regardez. Pourquoi russe? Tout va bien, rassurez-vous, tout va bien. Qu'est-ce que tu vois? Je crois qu'on vient de dépasser l'objet, commandant. Ok. Bon, je crois qu'on va devoir atterrir en urgence. C'est un sacré baptême de l'air pour toi. Oh oui. Commandant Mérou, ici tour de contrôle. Vous me recevez? 5 sur 5, mais je suis un peu occupé là. Commandant, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous allez devoir dévier de votre trajectoire et aller jusqu'au Bourget pour atterrir. Terminé. Attendez, c'est une plaisanterie. Terminé. Non, commandant, ici c'est un peu la panique. Les avions refusent de décoller à cause de cette espèce de boule rouge. Terminé. C'est pas possible, vous vous foutez de moi. Vous me détournez au Bourget, mais je n'aurai jamais assez de carburant. Terminé. Commandant, je suis vraiment désolé, nous sommes en train de dévier toutes les arrivées, je n'ai aucune piste de libre et je ne peux pas faire décoller les avions pour l'instant. Combien de carburant vous reste-t-il? Terminé. Je peux encore voler 30 minutes, pas plus. Ça ne me suffira pas pour atteindre le Bourget. Commandant? Quoi? L'objet, je crois qu'il nous suit. Pardon? Regardez sur le radar. Mais c'est pas vrai. Il nous piste. Il se rapproche, commandant. Tour de contrôle. L'objet volant non identifié nous suit à la trace. Terminé. Bon, allô, tour de contrôle. Je vous préviens, si vous trouvez pas immédiatement une piste d'atterrissage ou un champ ou un jardin, moi, je descends de mon avion sans parachute, je viens vous péter la gueule, c'est compris? On a un putain d'ovni au cul, merde. Terminé. Oui, reçu 5 sur 5. Je regarde ce que je peux trouver. Bien joué, gamin. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai rien à part les pistes de l'aile ouest de l'aéroport. Et les travaux ne sont pas finis. Aucun avion n'est censé y atterrir. Pas le choix. Commandant, les éclairages ne sont pas activés, vous ne pouvez pas. Bon. Il va falloir faire preuve d'imagination maintenant. Qu'est-ce que c'était que ce truc? On va mourir. Mademoiselle, s'il vous plaît. Vous pouvez nous dire ce qui se passe? J'ai vu une grosse lumière rouge à l'extérieur. Je ne sais pas, mais restez calme, hein? Restez assis. Je l'ai vu aussi, voilà, mademoiselle. Je sais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu quoi, là? Restez assis, s'il vous plaît. J'en étais sûr. Une lumière rouge, c'est les Ruskov. Pardon? Les cocos nous attaquent, qu'est-ce que vous comprenez pas? Maman, c'est qui les cocos? Une attaque des soviétiques. Ça n'existe pas, les cocos. Bien sûr, faut pas s'étonner. On soutient les dissidents. Il riposte. Mademoiselle, on scotche, s'il vous plaît. C'est pas possible, vous racontez n'importe quoi. Je vous rappelle que nous sommes en guerre, ma vieille. La guerre froide, ça vous dit quelque chose? Asseyez-vous. C'est peut-être Nasser? Il voudrait se venger pour le canal de Suez. C'est ridicule. Il n'a pas d'avion de chasse. C'est peut-être un coup des Chinois. Tout ça, c'est depuis que la RFA est entrée dans l'OTAN. Ce pacte de Varsovie, c'est une catastrophe. L'URSS veut nous écraser. Ils vont nous abattre en plein vol. Si ça se trouve, c'est la guerre en bas. Quelqu'un peut appeler? On veut des nouvelles. Oui, mademoiselle, qu'est-ce qui se passe au sol? Are we at war right now? Il fallait lutter fermement contre les sympathisants communistes. Je l'avais dit, comme ils le font aux États-Unis. Vous parlez du macartisme? Et puis quoi encore? C'est ignoble. Mais je vous rappelle que les Russes, ils ont la bombe atomique depuis 1949. Alors, ça vous fait pas peur, vous? Ouvrez les yeux, mon vieux. Mademoiselle, mon scotch! Ah non, c'est bon, vous avez assez picolé comme ça. Excusez-moi, are we going to die? What is happening? I heard someone say there was an attack from the Russians and now I don't understand. They keep on calm down. And put your seatbelt back on. Yes, okay. Calm down. It's okay. Et mon scotch, mademoiselle. Vous emmerdez avec votre scotch, merde à la fin, hein? Chut, taisez-vous. Les désolé. J'étais pas méchant. Mesdames et messieurs, nous allons devoir procéder à un atterrissage d'urgence. Je vous demande de rester à vos places et de garder le calme. Attachez votre ceinture, s'il vous plaît. Je vous demande d'enlever vos bijoux et d'ôter vos cols de chemise. Aucune visibilité. Impact dans une minute. Impact dans 30 secondes. Crispez-vous. Impact dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames et messieurs, bienvenue à Paris. Oh, oh God. Oh my God, next time I'll take the boat. La température extérieure est de 2 degrés. Le temps est dégagé. Pour les amoureux des musées, je vous conseille le musée Rodin ou le musée de la chasse, c'est mon préféré. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour à la Tour Eiffel. La vue est magnifique. Bravo, capitaine. Bravo, capitaine. C'était le fantôme d'Orly de Xavier Lacaille avec Thierry Pietra, Mathieu Marie, Bastien Bouillon, Noémie Landreau, Céline Milia Baumgartner, Leslie Lipkins, Aurélien Ozinski, Samuel Charles, Olivier Ruidavet, Elsa Parent-Koenig, Ava Hervier. Bruitage. Élodie Fiat. Prise de son, montage, mixage. Manuel Couturier. Antoine Viossa. Assistante à la réalisation. Léa Racine. Une réalisation de Laurence Courtois. Sometimes the windows combine with the seas in a way that twitches on. Can't get the place where the spirit was slain. Hey, one foot leads to another. Nights full of sleep, blue curtains, covers, sequins in the eyes. That's a fine time to dine. Divine who's circling, feeding the cards to the midwives. Love those alien days, the non-stop alien days. Ooh, the alien days. Must have skipped the ship and joined the team for a ride. A couple hours to learn the controls and commandeer both my eyes. Month crawling, next year blurring, decades in the drain. Monograms on sommes donc rendus à l'aéroport de Marignane, ainsi que nous vous l'avions annoncé hier au cours de notre émission de Provence Magazine, pour interviewer Monsieur Gabriel Gachignard, qui est douanier à l'aéroport de Marignane et depuis de nombreuses années. Et nous sommes venus lui poser quelques questions au sujet du petit mystère auquel il a assisté, puisque c'est bien un mystère, et vous savez que c'est un mystère qui captive absolument le monde entier, ce mystère des soucoupes volantes. Dites-nous exactement ce qui s'est passé. Vous étiez en train de vous promener, de casser la croûte très gentiment sur la piste d'envol. Alors j'ai vu un genre d'étoile qui arrivait du double tonneau à une vitesse à vive allure et qui s'est posée brusquement, enfin... au-delà de la piste, sur les grilles, j'essayais de l'approcher. J'ai plaqué mon casse-croûte sur le coin du pot de fleurs. Et rendu à 50 mètres de ce fameux engin, il a redécollé devant moi en scintillant un peu. Là, forcément, je me suis écarté un peu parce que je croyais peut-être qu'il y aurait une flamme, enfin, ou quelque chose qui pouvait me faire du mal. Et ma foi, je l'ai perdu de vue 2 secondes ensuite. Mais vous voyez que M. Gachignard est un homme précautionneux, puisque non seulement il a planqué son casse-croûte, mais il s'est éloigné parce qu'il avait peur des flammes, et je le comprends fort, mais il ne faut jamais jouer avec le mystère. Et maintenant, je voudrais tout de même vous poser une autre question. Est-ce que vous vous intéressez au problème des soucoupes volantes? Ben, ma foi, pas du tout. Jusqu'ici, je n'en avais encore jamais vu. Enfin, je ne me rendais pas compte que c'était un engin pareil. Bon, d'accord, mais la question que je vous pose, c'est est-ce que vous, c'est un problème qui vous attire plus lorsque vous ouvrez votre journal que le problème des prix du veau ou du mouton ou le problème du mystère de l'URSS? Oh, je ne lis jamais de journaux, pour ainsi dire. Et ma foi, ça ne m'intéresse pas plus qu'autre chose, non. Ça ne vous intéresse pas plus qu'autre chose, donc vous n'avez pas été le sujet d'une hallucination, pas non, du tout. Non, en aucune façon. En aucune façon. Bon, merci beaucoup, M. Gachignard. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le fantôme d'Orly, nos invités Arnaud Esqueret, sociologue qui travaille sur les récits de témoins d'OVNI, et Xavier Lacaille, scénariste de cette fiction. Bonjour Arnaud Esqueret. Bonjour. Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Vous vous intéressez aux pratiques discursives, celles des astrologues, des prévisions eschatologiques et plus récemment des récits témoins d'OVNI que vous avez étudiés dans votre théorie des événements extraterrestres parue chez Fayard en 2016. Vous êtes à Nantes dans les studios de France Bleu. Avec nous également, mais à Paris, dans ce studio, Xavier Lacaille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de la FEMIS, scénariste, et vous signez ici votre premier scénario radiophonique. On va commencer avec vous, Arnaud Esqueret. Vous avez travaillé à partir de récits d'OVNI archivés par le GEPAN, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui est un département du CNES, hein, le Centre National d'Études Spatiales. Parmi les 1500 récits auxquels vous avez eu accès, est-ce qu'il y avait une trace de notre fantôme d'Orly? Alors, j'ai regardé, il n'y a pas, dans les dossiers que j'ai consultés, l'affaire d'Orly dont vous avez parlé. Il y a une autre affaire, il y a d'autres affaires en 1956. En fait, il y en a 3 qui sont archivées, mais il n'y a pas celle-là. Cela dit, elle est caractéristique d'un certain nombre de cas qu'on retrouve, et d'ailleurs dans la fiction qui a été présentée, il y a un ensemble d'éléments qu'on retrouve dans les récits qui sont faits souvent après coup des événements extraterrestres recueillis par le GEPAN. Alors cette histoire est effectivement très mystérieuse. Est-ce qu'elle correspond à la fameuse, moi je l'aime bien celle-là, la fameuse catégorie D2, plus haut degré d'étrangeté établie par le GEPAN? Alors, il y a plusieurs manières de caractériser les récits qui sont, ou les affaires en fait, qui sont relatées. Ce qui est caractéristique de cette affaire, c'est qu'il y a plusieurs témoins, en tout cas dans telle qu'elle est relatée dans la fiction que vous présentez, en même temps qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est ça le grand point d'interrogation, c'est on n'arrive pas à déterminer ce que c'est, contrairement, si vous voulez, à une archive, par exemple, que vous avez passée qui concerne Marignane. 1952, d'ailleurs. Les faits remontent à 52. Où là, au contraire, en fait, la personne, le témoin, en fait, dit de manière précise, c'est une soucoupe volante. Donc, ce sont en fait deux modalités extrêmement différentes. D'un côté, dire on sait ce que c'est, de l'autre côté, on ne sait pas ce que c'est. Cela dit, est-ce qu'on peut dire c'est une soucoupe volante? On peut pas le dire. Si on peut, est-ce qu'on peut affirmer qu'on a vu une soucoupe volante? Alors, en fait, quand on regarde l'ensemble des récits qui sont recueillis par le GEPAN, la plus grande majorité d'entre eux, en fait, ont cette caractéristique qui est que on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire, souvent, en fait, ils ont la même structure, ce que je montre, c'est que la personne, le témoin, ne sait pas, ne s'attend pas particulièrement à voir quelque chose. Il a une activité tout à fait ordinaire. Alors, ça peut être fumer une cigarette, promener le chien. Là, en l'occurrence, on prend l'avion. Et puis, soudain, quelque chose apparaît. Alors, ça peut être une lumière, mais ça peut être une forme, en fait, une masse. Par exemple, quelque chose apparaît dans le ciel. Et à ce moment-là, la personne peut essayer d'accroître son attention ou peut avoir un sentiment de peur aussi. Et donc là, dans le récit, souvent, la chose est décrite. Et à ce moment-là, la chose disparaît en un instant. Oui. Et c'est ça qui est le cœur de l'énigme. Parce que si vous voulez, si la chose restait, en fait, le mystère serait levé. On a tendance à penser, en fait, que ce qui est le plus énigmatique, c'est l'apparition d'une chose non identifiée. Mais en réalité, ce qui est le plus mystérieux, c'est sa disparition. Enfin, en tout cas, c'est le fait qu'elle se soustrait à la perception. Et moi, je me dis que finalement, voir un ovni, et d'ailleurs l'acronyme est pertinent, hein, quand on peut pas dire que c'est une soucoupe volante, objet volant non identifié, bon ça colle, je me dis que c'est pas forcément un privilège d'en voir un, parce que c'en est un, parce que c'est une aventure extraordinaire hein, de voir un objet volant non identifié, seulement après on peut vous dire mais oui, enfin vous avez peut-être bu un peu trop ou fumé quelque chose, et finalement vous êtes dans une position où vous êtes obligé d'argumenter pour être crédible. En réalité, les gens souvent quand ils soumettent leur récit à en tout cas en l'occurrence ou bien à la gendarmerie ou bien au Centre national d'études spatiales, ils viennent plutôt avec l'idée qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire que ils sont en demande qu'on lève ou qu'une enquête soit faite pour déterminer ce qu'ils ont vu, et ils évaluent en fait négativement ce qu'ils ont perçu, c'est-à-dire ils vont dire exactement d'ailleurs comme dans la fiction qui a été passée, ils vont dire ce n'est pas un hélicoptère, ce n'est pas un avion, ce n'est pas une montgolfière, mais donc qu'est-ce que c'est ? Et c'est là en fait qu'il y a une explication qui en fait n'est jamais, enfin en tout cas qui est dans la plupart des cas pas formulée en tant que telle parce qu'elle n'est pas recevable, qui est c'est un ovni ou un phénomène aérien non identifié. Et à ce moment-là, une enquête s'ouvre et par ailleurs, un grand nombre de cas sont tout à fait élucidés. Il y a tout un ensemble d'éléments qui expliquent en fait le problème de perception qui était à l'origine du récit. Ça peut être très bien un météore, un bolide qui est entré dans l'atmosphère, ça peut être aussi par exemple une montgolfière, ça peut être aussi un ballon météorologique, enfin vous voyez, tout un ensemble d'explications possibles. Et puis ça peut être rien de tout ça justement, ça c'est autre chose. Alors on va passer la parole à Xavier Lacaille, hein, à Arnaud Esquerret, le scénariste de cette fiction. Xavier, pourquoi avoir choisi cet événement précis d'Orly? Vous en avez entendu parler, vous avez vu d'autres éléments, mais celui-là, cette histoire-là vous a paru plus emblématique que les autres? Emblématique, je sais pas, mais en fait j'écris beaucoup sur ce sujet des extraterrestres, souvent plutôt de la comédie d'ailleurs, j'ai écrit une série sur ça, et je me suis demandé ce que ça ferait de traiter ce sujet avec un prisme plutôt de tension et d'angoisse, et pas forcément de comédie. J'avais donc consulté pas mal de cas, et celui-là je l'ai trouvé assez fou parce que d'une part on n'a pas eu de réponse, comme dans un cas sur 10 il me semble, enfin Arnaud connaît probablement mieux que moi les stats, et puis il y a un truc, c'est que j'ai très peur de l'avion, et que quand on est dans un avion on comprend pas non plus ce truc quoi, c'est on vole et c'est pour à peu près tout le monde à part les ingénieurs et les pilotes, c'est un peu absurde, et on pense quand il y a des turbulences au pire, et je me suis dit c'est intéressant de penser à un extraterrestre. Il y a des turbulences, et si c'était un extraterrestre. Donc plusieurs envies, la première qui était cette envie de créer une tension dans une fiction, et le fait qu'on soit en apesanteur, donc qui crée un second danger. Voilà, plusieurs choses comme ça. Et puis le sujet, pourquoi est-ce que ce sujet m'intéresse? Parce que c'est une mythologie assez folle créée par nous, et qui est la métaphore de ce qu'on ne comprend pas et de ce qu'on ne connaît pas, et comme disait Arnaud, ce qui nous intéresse, c'est justement quand on n'a pas de réponse. Et quand on n'a pas de réponse, on est incapable de se dire qu'on ne sait pas. Et du coup, la réponse qu'on peut trouver, c'est c'est un extraterrestre. Bah, ce qui est possible, peut-être. Bien sûr. Mais ouais, comme tous les phénomènes, que ce soit des vampires ou des zombies, on crée des choses et là, moi ça m'intéresse. Extraterrestre, ce qui est possible serait pour le coup très poétique. Hein, ce serait complètement quand même une vraie poésie que savoir qu'il y en a d'autres. Et qu'un jour ils nous rendront visite, mais pas forcément pour nous vouloir du mal. Non, bah c'est oui. Bien, mais si on se retrouve dans 3 minutes, le temps de souffler un peu. Vous montrez dans votre livre, La théorie des événements extraterrestres, que tous les récits de personnes prétendant avoir vu un OVNI ont une structure narrative commune, sans pour autant qu'ils soient fondés sur un modèle commun préexistant. Qu'entendez-vous par là ? Ce que je veux dire, c'est que on n'a pas le premier récit faisant état de phénomènes aériens non identifiés ou d'OVNI. Il n'y a pas un récit originel par rapport auquel en fait tous les autres se référeraient, même si il y a un récit qui est connu, qui est celui en 1947 d'un aviateur qui a vu des soucoupes aux États-Unis, enfin en tout cas ce qu'il dit être des soucoupes aux États-Unis. Mais en réalité, les récits, quand on les recueille, les nombreux récits de gens qui ont vu des phénomènes aériens non identifiés, ils ont une structure commune. Ce qui nous manque, c'est un récit qui serait originel, comme pour les mythes. En fait, dans les mythes, vous n'avez pas non plus de récit originel. Par contre, vous avez des variations. C'est-à-dire qu'une des hypothèses que j'ai, c'est-à-dire la question, c'est pourquoi est-ce que ce type de récit apparaît dans la deuxième partie du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, et pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas avant ? Est-ce qu'il y a un type de récits qui est antérieur, sur lequel il pourrait en fait en quelque sorte être connecté et qui en serait une variation. Et je pense au fond que si on devait faire un rapprochement, ça serait sans doute avec des récits de fantômes ou d'esprits, parce que dans ce type de récits qui sont les récits de fantômes ou d'esprits, l'incertitude reste sur ce qu'on a vu ou sur ce qu'on a perçu. Et donc, à mon avis, il y a une proximité assez grande entre les deux, ce qui éloigne un peu ce type de récit de ceux de science-fiction avec des extraterrestres, au sens où, quand il y a des extraterrestres, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils nous veulent du bien ou est-ce qu'ils nous veulent du mal ? On a une hésitation sur leurs intentions, ce qui est assez différent du type de récit qu'on a dans les récits de phénomènes aériens non identifiés. Est-ce que ces récits parlent de visions très rapides ou est-ce que certains récits vous ont dit, ben voilà, on a vu un objet, on a eu le temps de le regarder, ou est-ce que c'est furtif ? Alors, la majorité des récits, ceux qui répondent à une structure commune, en fait, c'est très court le temps. En général, c'est quelques secondes, quelques minutes. Ça peut être plusieurs minutes, une demi-heure par exemple. Mais c'est très rare. C'est souvent des délais courts. Deuxièmement, c'est souvent la nuit. Et le grand mystère, c'est que ça se soustrait soudainement à la vue. Mais parce que je vous pose la question justement, parce que en cas de phénomène d'observation un peu long, on peut prendre des photos. Est-ce qu'on vous a apporté des photos ou est-ce que ça va souvent trop vite, on est surpris, on n'a pas le réflexe et on prend pas la photo? Alors, en fait, la photo, la vidéo, et notamment avec les téléphones portables dotés de, ont modifié, en fait. Et donc, il y a plus d'éléments. Ce qui se passe, c'est que souvent, ça permet de résoudre très facilement le cas. C'est non pas, ça n'augmente pas le mystère, mais ça permet de le lever encore plus rapidement. Et donc, on s'aperçoit, par exemple, que c'était, par exemple, des lanternes thaïlandaises, qui est un des phénomènes qui est apparu. Ce sont ces lanternes qui sont déplacées de manière linéaire dans la nuit. Et s'il y en a plusieurs, on a l'impression que ça fait, par exemple, les feux en fait, d'une masse, parce qu'on a l'impression qu'au milieu, il y a une masse. Et puis, en réalité, si on prend une photo ou si on prend une vidéo, on peut dire très rapidement, ben, ça, ce sont des lanternes thaïlandaises et non pas un vaisseau spatial. Et ce qui reste le plus mystérieux, ce sont les témoignages dans lesquels on n'a pas justement ces éléments visuels. Xavier Lacaille, on va vous passer la parole. Vous écoutez attentivement à Renaud Esquerret, mais vous avez aussi des choses à nous dire, notamment pour la part de fiction, si je puis dire, dans la fiction, d'éléments réels. Alors, vous êtes appuyé sur des faits réels, vous avez évoqué vos sources tout à l'heure, mais qu'avez-vous dû ajouter pour créer un effet dramatique? En gros, quel est le pourcentage de faits avérés, de faits imaginés dans votre récit? Le pourcentage, j'ai pas le pourcentage exact, mais... Proportion, plus vaguement. Je pense que... Ce que dit Arnaud est très juste, il y a dans les récits extraterrestres un incident qu'on appelle en fiction l'incident déclencheur. Donc c'est l'incident déclencheur est vrai, il y a en l'occurrence une boule rouge qui est apparue. Ensuite la fiction, elle, se passe en huis clos dans l'avion et je n'avais aucune source des discussions qui ont eu lieu dans cet avion-là. Et donc tout ce qui est de l'ordre des discussions et de ce que se disent les personnages est évidemment de la fiction. J'ai imaginé des réactions à peu près logiques d'une catastrophe qui arriverait en avion. Et pour ça, j'ai vu déjà beaucoup d'autres films et des récits de catastrophes d'avion et de réactions. Et il y a souvent des crises de panique et des gens qui veulent sortir et prendre un parachute pour sauter alors qu'ils n'ont jamais fait de parachute et qui, de toute façon, il n'y a pas de parachute dans les avions. Donc toutes ces choses-là sont des éléments plus ou moins vrais qui se seraient passés s'il y avait une catastrophe en avion. Que ce soit un extraterrestre ou autre. Ça va pas vous guérir de votre peur de l'avion, ça? Non, absolument pas. Je le prends plus du tout maintenant. Non, enfin, vous savez qu'il existe des stages pour ça. Exactement, je me suis inscrit. Eh ben, très bien. Et voilà. Ok. Arnaud Esquéré, quelle influence a eu le contexte de la guerre froide sur les récits d'événements extraterrestres vécus, pour reprendre votre expression? Est-ce qu'on s'est dit souvent « Oh, c'était un coup des soviétiques ». Alors le contexte de la guerre froide, qui est très bien rendu dans la fiction, était important parce que, si vous voulez, dans les dimensions qui composent en fait ces récits, il y a une référence à une inquiétude liée au fait que la présence dans le ciel peut être vue comme une présence ennemie. Et donc le contexte de la guerre froide a fait qu'on a eu peur, on a craint en fait que c'était des objets qui étaient liés aux soviétiques. Cependant, la guerre froide elle-même n'explique pas l'ensemble de ces récits, puisque après la chute du mur, les récits de phénomènes identifiés ont continué. Et donc, si vous voulez, il y a sans doute un lien, en tout cas dans les explications, dans les associations qui ont été données par rapport au contexte militaire de la guerre froide, mais il n'y a pas une causalité au sens où ce n'est pas parce que il n'y a plus la guerre froide que les récits de phénomènes aériens non identifiés ont disparu. Et vous, en tant que scientifique, comment vous abordez le concept de mystère? Est-ce que ça se télescope avec votre construction scientifique? Comment vous vous en sortez de ce qui apparaît comme ça, comme un paradoxe majeur? Si vous voulez, il y a un type de récit dans lequel il y a une incertitude et qui est en fait très courant, qui est celui du genre fantastique. C'est exactement la définition que donne un linguiste qui s'appelait Todorov de ce genre, c'est-à-dire le genre fantastique, c'est l'incertitude ou l'hésitation qu'on a par rapport à ce qui se passe. Dès que l'incertitude est élevée, on peut basculer dans un autre genre, qui peut être le genre, par exemple, merveilleux, ou dans le cas de la science-fiction, ça sera un genre dans lequel, en fait, on sait ce qui est en train d'arriver. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que les extraterrestres sont méchants, est-ce que les extraterrestres sont gentils. Donc, l'idée par rapport à ces récits, c'est de dire, au fond, ce genre fantastique qui est très présent en littérature, qui est très présent dans le cinéma, est-ce que, au fond, il n'est pas extensible aussi à des récits d'expériences vécues et qu'on aurait vécu soi-même, voilà. Et il y a un certain type de récit qui comporte cette part de mystère et qui est intrinsèque à l'intérieur du récit et qui se termine souvent par une dénégation, c'est-à-dire en disant, en l'occurrence, je ne crois pas aux extraterrestres, c'est-à-dire tout le récit par rapport à ce type de récit tend vers une explication qui serait celle d'un vaisseau spatial, et ça se termine par je ne crois pas aux extraterrestres ou je ne m'intéresse pas, je me suis jamais intéressé aux ovnis, mais tout ce que je vous raconte tend vers ça. Et donc là, il y a une sorte de tension extrêmement grande à l'intérieur du récit qui fait que l'incertitude est maximale. Je note toutefois qu'on a créé le GEPAN. Pourquoi créer une organisation scientifique officielle pour enquêter sur des cas qui relèvent essentiellement du mystère, parfois de l'illusion? Est-ce que ça veut dire que derrière tout cela, dans l'esprit des scientifiques, il y a une volonté de savoir, une bonne fois pour toutes, s'il y a une vie extraterrestre et s'il y a une possibilité de visite de ces extraterrestres, ce qui là nous remettrait dans le domaine du scientifique? Simplement, en fait, il y a des récits qui font état de choses inexplicables ou inexpliquées par ceux qui les voient dans le ciel. Alors la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ce sont ces événements? Et c'est normal qu'un État surveille ce qui se passe dans son ciel, parce que enfin, en tout cas, c'est normal. C'est dans la conception d'un État d'avoir une surveillance de son territoire, qui est terrestre, mais qui peut être aussi céleste. Et donc la question, c'est à quoi se réfèrent ces récits de choses dans le ciel qui ne sont pas expliquées. Donc il y a des enquêtes qui sont ouvertes, et ensuite il y a un certain nombre d'éléments qui sont apportés. Il y a des hypothèses qui sont sont très nombreuses, qui peuvent aller du ballon météorologique au météore, en passant par la Station Spatiale Internationale, qui permet de résoudre en fait la plupart des cas. Donc il faut simplement prendre le recueil de ces récits comme un élément qui est propre à un état de surveiller le son ciel, ce qui les États font. Il se trouve qu'en France, les récits qui sont collectés sont accessibles, ce qui ne doit pas être le cas dans d'autres États comme les États-Unis. J'ai envie de vous dire, et Dieu dans tout ça ? Parce qu'après tout, les religions, si je ne m'abuse, ne se sont jamais vraiment imposées dans ce débat. Alors que souvent, elles donnent leur avis, y compris quand on ne leur demande pas d'ailleurs, mais elles pourraient donner leur avis sur ce point-là. Quelle place de la religion ? Bah, écoutez, les religions, ça dépend des religions, mais un certain nombre d'entre elles, en fait, ont affaire avec des êtres invisibles ou des êtres à éclipse qui apparaissent et qui disparaissent. Et donc, il y a en fait des liens, je veux dire, entre ce type de récit d'apparition et de disparition inexpliquée et ce type d'événements et d'autres événements qui sont propres aux religions. Vous prenez par exemple le cas des apparitions de la Vierge Marie. Eh bien, il y a quelqu'un, un témoin, un enfant par exemple, qui va dire voilà, il a vu une femme dans le ciel et donc ensuite elle a disparu, mais elle lui a dit quelque chose. Donc il y a voilà, et après il y a tout un autre processus qui s'enclenche, qui est de savoir si les prêtres, les religieux, en fait, valident ou pas le témoignage du garçon, etc. Et ce sont absolument d'autres logiques, mais à l'intérieur de l'institution. Mais il y a bien un dispositif commun qui est celui d'une apparition, d'une disparition, d'une chose ou d'une entité dans le ciel et sur lesquelles les anthropologues ont largement travaillé. Alors, est-ce qu'il y a, en tout cas, en vous écoutant et dans le sous-texte ou entre les lignes, j'entends qu'il vaudrait mieux admettre notre incapacité à résoudre ces énigmes et accueillir l'indéchiffrable comme une occasion d'échapper à la rationalité de notre quotidien, j'entends bien ? C'est-à-dire que il faut accepter qu'il y a un certain nombre de récits qui correspondent à des expériences vécues et qui, en fait, comportent une part de mystère. Voilà, peut-être après une enquête, les choses peuvent se résoudre. Mais au fond, ce type de récit, ça permet d'ajouter peut-être un peu de poésie dans nos existences. Absolument. Un tout dernier mot, Xavier Lacaille, rapidement, parce que c'est la fin. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que vous venez d'entendre de la part d'Arnaud Esqueret ? J'espère que on n'aura jamais de réponse à cela. Ouais. Et en même temps, j'espère qu'on en aura une un jour. La beauté de l'incertitude. Merci, messieurs. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Le Fantôme d'Orly, une fiction écrite par Xavier Lacaille, réalisée par Laurence Courtois et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand et Rémi Quincet.